Galaxy Weekend. Galaxy présente. Prélude. Tous les dimanches à partir de 22h. 60 minutes d'ambiance. Prélude, présenté par Guillaume de Baskerville. Prélude, prélude. Prélude.